Bonjour bien-aimé, bonjour et bienvenue à cette troisième partie de cette série consacrée à Kaku Philippe. Kaku Philippe, ce garçon de la Côte d'Ivoire qui fait montre de tout son savoir pour essayer d'établir sa divinité et sa suprématie dans les prophéties, dans les prophètes, dans le message de ce jour, qui est le dernier jour. Bienvenue, si vous pouvez nous contacter, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 237 6 94 01 94 40 6 94 01 94 40 ou le 6 75 87 41 21. Nous sommes à Douala au Cameroun. Vous pouvez également nous contacter sur Skype. Mon Skype c'est Junior. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Junior s'écrit encore une fois de plus, je répète, J-U N-H-I-O-R-S, minute du chiffre 3. Vous pouvez également envoyer un email à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Junior, J-U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Nous serons contents de vous répondre et de vous savoir que vous nous écoutez et que le Seigneur a utilisé cela pour vous bénir. Puisse-t-il vous bénir effectivement? Mais cet enseignement vise particulièrement nos amis les Kakouis et tous ceux qui sont séduits par ces messages, et principalement le premier gourou qui a été séduit par ces anges déchus qui leur viennent chaque fois. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées, vous tous qui nous écoutez maintenant. Merci pour tous ceux-là donc qui prennent le message du Seigneur Jésus-Christ au sérieux et qui se préparent pour l'enlèvement de ces derniers temps. Nous allons écouter et continuer sur la série. Aujourd'hui, nous allons encore écouter Kakou Philippe. Dans un extrait sur cette dans l'interview, en toute vérité, que vous pouvez vraiment et vraisemblablement trouver sur YouTube, en toute vérité, vous pouvez écouter. Donc, ce sont les extraits parce que c'est long. Lorsqu'il faut commenter encore, c'est davantage long. On va écouter quelques extraits encore aujourd'hui. Vous allez écouter. Je crois qu'il vous parlait aujourd'hui des prophètes, des choix, des clés, des ministères, ainsi de suite. Nous allons écouter. Commençons maintenant la première écoute et écoutons Kakou Philippe parler. Son établi a son peu montré, ça y est à cause, sinon c'est un imposteur, c'est un démon. Vous dites que Jésus est établi, tout ça vous. Lorsque Judas a Jésus, vous savez qu'il y avait un tirage sur vous, vous tirez de ta poche. A dit que Jésus est établi, vous êtes dit que parce que celui de Jésus n'avait établi que vous. Mais quand il a été, le tirage de sort a été tiré, son établi a son peu montré, où est-ce que la Bible a parlé de lui après? On a dit ça pas de lui, mais je veux savoir si ça avait dit. Ah, mais ce que vous devez savoir, si c'est par les tirages au sort qu'on établit les ministères. Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez nous montrer un passage de la Bible où on parle aussi de tous les apôtres, de tous les apôtres? Parce que généralement, on entendra parler de Pierre, on entendra parler de Jean, on entend parler de Paul même qui n'était pas avec lui. Mais est-ce que les autres apôtres, vous pouvez nous montrer par les versets de qu'on parle de tous les apôtres? Vous savez, vous savez ce que vous devez retenir, c'est que Jésus-Christ a dit, tu es Pierre et je te donnerai les clés du royaume. Donc, les clés, c'est celui qui détient les clés du royaume sur la terre. Parce que vous comprenez avec moi que les clés du royaume doivent être sur la terre avec un nom. Dans Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ a dit, je tiens les clés de la mort et du Hadès, de ce jour de mort. Il n'a pas dit qu'il a les clés du royaume, parce que les clés du royaume doivent être sur la terre avec une personne, sinon personne ne peut être sauvé. Voilà, vous avez entendu, il a dit en citant Apocalypse chapitre 1, le verset 18, et Matthieu chapitre 16, le verset 9, en disant que, comme le Seigneur Jésus a promis dans Matthieu chapitre 16, que nous allons lire tout à l'heure, parlant à l'apôtre Pierre, il a dit que je te donnerai les clés des cieux, du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors maintenant, nous voyons effectivement que c'est ce que le Seigneur Jésus a promis. Mais qu'est-ce que veut dire ces clés? Que veut dire ces clés? Nous allons y revenir. Mais il cite Apocalypse chapitre 1, verset 18 en disant que comme le Seigneur Jésus a dit qu'il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Vous voyez, et il dit donc là maintenant que Jésus n'a pas la clé du royaume des cieux, donc personne ne peut entrer, puisqu'il faut que la clé soit à un homme sur la terre pour que les gens soient sauvés, sinon les gens ne peuvent pas être sauvés. C'est ainsi donc qu'on peut prendre la Bible et plus en verset. Commençons par Ésaïe, avant de revenir principalement dans la Nouvelle Alliance, ce qui était prévu du Seigneur Jésus-Christ dans Ésaïe au chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Permettez-moi de trouver rapidement Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Déclare par rapport au Seigneur Yeshua. Maintenant, qu'est-ce que la Bible déclare? Regardez, la Bible dit au verset 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il siégera sur, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. On parle du Seigneur Jésus-Christ parlant de la clé comme étant l'autorité. Donc la clé a la connotation de l'autorité dans la Bible. La clé a la connotation de l'autorité dans la Bible. C'est pour ça que les deux fois où ça se figure dans l'Apocalypse et dans Matthieu, tel qu'il est dit dans Matthieu chapitre 16, dont on va y aller maintenant, c'est l'autorité donnée à l'apôtre Pierre dont il est question. C'est l'autorité donnée à l'apôtre Pierre dont il est question. Mais dans cet individu, il dit, cette clé doit être avec un individu, un homme sur la terre, sans cela, personne ne peut être sauvé. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui a pris l'initiative de donner cette autorité à l'apôtre Pierre. Utilisons le mot tel que c'est écrit, les clés à l'apôtre Pierre. Est-il dit quelque part que cette clé-ci doit passer de personne à personne? Ça, c'est la première question. Est-il dit quelque part, prévu quelque part dans les Écritures que ça devrait quitter de l'apôtre Pierre à une autre personne? Ça, c'est la question que je suis posée. Est-ce qu'il est écrit nul quelque part encore que le Seigneur Jésus a réitéré que la clé qu'il avait donnée à Pierre, comme Pierre n'est plus sur la terre, je vous la donne maintenant? Ça, c'est la question épineuse qu'il va falloir répondre maintenant et dont l'Écriture met en mal maintenant par rapport à Caco Philippe. Allons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que ça dit? Verset 19. Matthieu chapitre 16. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Ça commence au verset 16 en disant, verset 16. La Bible déclare, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elle. Ouais, comme l'église catholique est en train de faire naufrage avec ces versets, voilà comment Caco Philippe et ses disciples sont en train de faire naufrage. Verset 19 maintenant, je te donnerai, c'est ce qu'il écrit, il n'a pas dit je te donne, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Deux points, il explique, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Deux points, voilà ce qui est écrit, voilà en quoi consiste cette clé-là. Maintenant, vous allez remarquer que dans Matthieu 18, 18, puisque nous sommes dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il va dire la même chose cette fois-ci au pluriel. Verset 18 dit, remarquez très bien, je vous le dis en vérité, le verset 18 de Matthieu 18, je vous le dis en vérité. Regardez bien ce qui est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, cette fois-ci, il a parlé au pluriel. Mais à l'apôtre Pierre, il a dit clairement, je te donnerai la clé du royaume, l'autorité. L'autorité du royaume des cieux. Vous voyez? Donc, il donne maintenant à l'apôtre Pierre ce que ça accompagne, c'est clair, hein? Le fait de lier et de délier dans le royaume. Vous voyez effectivement comment s'est exprimé cette autorité. Mais Pierre a la prééminence par rapport à cela. Parce qu'il est dit directement de lui qu'il va le faire. Par la suite, maintenant, il réitère la même chose aux autres apôtres. Dans Matthieu, dans Jean chapitre 20, les versets 21 et 22, je crois. Enfin, 22 et 23, c'est écrit également là-bas. Jean chapitre 20. Versets 22 et 23, la Bible déclare, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cet enseignement, nous y reviendrons plus tard. Maintenant, en lisant Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Actes chapitre 8 et Actes chapitre 10, nous voyons effectivement l'apôtre Pierre employant ses clés. Mais avant d'entrer dans Actes chapitre 1, 2, 4, 8 et 10 même. Lisons quelques passages dans le livre de Luc au chapitre 22 et voyons ce qu'il en est. Luc chapitre 22, lisons les versets 31 et 32. Voyons pourquoi le Seigneur Jésus avait dit cela. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Remarquez très bien. Le Seigneur Jésus dit ici que Satan a réclamé tous les disciples. Parce qu'il dit que le Seigneur dit, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, Satan a voulu traiter avec les disciples du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus révèle maintenant, au verset 32, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. Il a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce que le Seigneur Jésus savait très bien que s'il ne priait pas pour intercéder pour le chef de groupe qui va être par la suite, il va le régner et rentrer. Donc c'est pour ça que vous allez voir, il va régner effectivement le Messie. Tout juste après, le Seigneur va parler par rapport au fait qu'il va le régner. Mais le Seigneur Jésus restera dans Jean chapitre 21. Il dit ici, verset 32, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Puis il dit, « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc vous voyez effectivement que la mission est entre les mains de l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui était la cible principale de Satan. C'est l'apôtre Pierre qui devait être le capitaine même de l'équipe. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et dans Jean chapitre 21, donc maintenant, dans Jean chapitre 21, quand le Seigneur Jésus va ressusciter, il va venir, à partir du verset 15, il dit, « Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Vous voyez, il y a des disciples là-bas, mais Jésus a dit de donner la mission à l'apôtre Pierre que paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 17, maintenant, écoutez très attentivement. Il lui dit, « Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, « Pour la troisième fois, m'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc, on voit effectivement comment l'apôtre, le Seigneur Jésus va encore revenir sur l'apôtre Pierre en charge pour lui redire ce qu'il avait dit dans Luc chapitre 22, verset 31 et 32. Quand tu seras converti, occupe-toi des miens. Occupe-toi des miens. Vous voyez, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 2, il va dire dans le deuxième épître, il va dire que voici déjà la deuxième lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je ne cesse de tenir votre avertissement, quoi, votre sainte intelligence par des avertissements, sachant qu'il va quitter bientôt cette tentation, comme le Seigneur me l'a révélé, parlant des Jean chapitre 21. Donc il va donner les avertissements, donner les injonctions telles que le Seigneur Jésus a dit. Amen. Donc, le Seigneur Jésus dit ici dans ce verset 19 de Matthieu 16, il dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est que là consistera, c'est ce qui est écrit devant, consistera à ce que si Pierre lit quelque chose sur la terre, ça sera lié dans les cieux. Il ne s'agit pas de donner la vie. Et par rapport à cette clé, nous lisons dans Actes chapitre 15. Nous lisons dans Actes chapitre 15. J'y vais dans Actes chapitre 15 avant de rentrer au chapitre 1, chapitre 2, et ainsi de suite. Dans Actes chapitre 15, lorsqu'il y a eu trouble au milieu des disciples, dans Actes chapitre 15, nous lisons verset 7 et suivant, jusqu'au verset 8. Je vais prendre verset 7 jusqu'au verset 11. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, écoutez très attentivement maintenant, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Vous voyez? Donc Dieu a choisi Pierre et personne parmi, quand il s'est levé au milieu des disciples, aucune des personnes qui est crue là-bas n'a contesté cela. Aucune des personnes qui est crue n'a contesté cela au milieu des disciples. Quand il s'est levé, la Bible déclare qu'une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva. Il y avait cette discussion au sujet de la circoncision et ainsi de suite, de l'observance de la loi de Moïse. Quand l'apôtre Pierre s'est levé du milieu des frères qui étaient réunis, personne n'a dit, Pierre, qui t'a donné ton apostolat? Qui t'a dit ceci? Qui a dit que pourquoi tu te lèves au milieu de nous? Comme Corée, Dathan et autres se sont levés contre Moïse en disant qu'ils se lèvent au milieu des enfants d'Israël. Ils s'érigent eux-mêmes en tant que grande personne au milieu des enfants d'Israël. Ici, personne n'a contesté. Personne n'a parlé. L'apôtre Pierre continue son discours, il dit, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Vous vous souvenez qu'au chapitre 10, il s'est mis à parler là-bas chez Corneille. Le Saint-Esprit est descendu, il s'est mis à parler. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. Mais le verset 9 dit, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais verset 11 dit ceci, c'est là où je vais chuter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Maintenant, mon cher Kakou Philippe et tous ses disciples, souvenez-vous, comme Pierre, vous dites, Pierre avait la clé, Pierre avait les clés. Il n'avait pas la clé pour sauver les gens. Dieu ne donne pas le salut des êtres humains aux êtres humains, non. C'est la prédication, c'est pas la prédication qu'on doit être sauvé. Et plusieurs personnes dans la Bible ont prêché sans que ça ne soit Pierre. Plusieurs personnes ont prêché. Il y a toujours le cas de la clé messager par rapport à ce que tu dis. Mais je vais dire, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Quand bien même que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit les autres, que ce soit tous ceux qui sont venus au courant des siècles après le Seigneur Jésus-Christ, personne n'a jamais prêché lui-même. L'apôtre Pierre n'a jamais prêché que si vous ne croyez pas que je suis le messager. L'apôtre Paul n'a jamais prêché que si vous ne croyez pas que je suis le messager de Jésus. Pour cette heure-ci, vous ne pouvez pas être sauvés. Il prêchait Jésus. partout, dans le prétoire, dans la prison, dans le bateau, c'est le Seigneur jusqu'à ce que l'apôtre Paul a prêché. C'est lui qui a prêché, parce que c'est lui seul qui enlève le péché du monde. C'est lui effectivement que Dieu a destiné comme victime expiatoire pour tous ceux qui mettraient leur foi en lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est le Rédempteur, le Sauveur effectif. Donc, l'apôtre Pierre, les clés dont Dieu, le Seigneur Jésus-Christ donnerait à l'apôtre Pierre, c'est l'autorité spirituelle, donc la prééminence de l'autorité. C'est ce qui est écrit. Maintenant, dans Actes chapitre 1, nous allons voir effectivement que lorsqu'ils vont se réunir pendant qu'ils sont en train de prier, la Bible déclare au verset 14 là-bas que le nombre des personnes qui étaient réunies était d'environ 120. Pierre se leva du milieu de la foule, il dit que vous savez que Judas était compté parmi nous, et ainsi de suite. Il abandonne ses apostolats pour aller en son lieu. Il va citer Apocalypse, psaume, pour dire effectivement qu'il est écrit de lui que les gens soient, qu'un autre prince achat. Ils vont faire donc ce vote-là qui va mettre Matthias à la place de Judas. Pourtant, ce n'est pas ce qui est dans le plan du Seigneur. Vous voyez effectivement que le Seigneur Jésus avait dit clairement que c'est quand il sera converti qu'il va faire ces choses-là. Or, lorsqu'il sera converti maintenant dans Actes chapitre 2, il y aura la conversion. Lorsque les moqueries, une fois de plus, vont encore être mises en place par rapport aux chrétiens, au verset 14 encore, la Bible déclare qu'il va se lever, il va se présenter avec les 11. Il va commencer à dire que cet homme, ces hommes, s'ils ne sont pas ivres, comme vous le supportez, il va parler la prédication, la première prédication, donc la clé, l'autorité spirituelle pour ouvrir le ciel, donc va être donnée à Actes chapitre 2. Voilà la première prédication, donc voilà la première autorité, la vraie autorité après sa conversion. Et là, maintenant, il s'occupe maintenant des enseignements jusqu'à Actes chapitre 13. Donc, il faut faire attention. Comme vous déclarez n'importe quoi. La clé, les clés que le Seigneur Jésus a donné à l'apôtre Pierre, c'est la même clé que les enfants de Dieu utilisent maintenant, parce que la même clé est donnée pour tous ceux qui sont appelés de lui pour annoncer l'évangile afin que les gens soient sauvés. L'évangile afin que les gens soient sauvés. Parce que c'est avec cela que les gens entrent effectivement. L'évangile de la croix. Ce n'est pas un démoniaque sur la terre qui aurait vu un ange. Ce n'est pas cela. L'apôtre Pierre ne t'a pas donné cela. Qu'est-ce que tu vas en dire de John Smith qui a reçu le baptême de la main des. Qui a baptisé son frère et son. Comment il s'appelle encore là? Il a baptisé son frère et son frère lui-même a encore baptisé. Et en disant qu'il a reçu maintenant le sacrificature de Joseph, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul qui ont donné la sacrificature de Melchizedek. Après, initialement, c'était Aaron et autres qui lui avaient donné la sacrificature. Donc il faut faire attention. C'est comme ça que Satan vient vous tromper chaque fois. Amen. Il s'appelait Joseph Smith et Oliver Cowdell, celui qui était le traducteur. Ils ont reçu la prêtrise d'Aaron, des mains d'Aaron, des Jean-Baptiste. Et ils sont baptisés mutuellement. Donc, il entre dans l'eau. Joseph Smith baptise Oliver Crowder. Oliver Crowder. Après, quand il sort maintenant de l'eau, Oliver Crowder aussi le baptise. Après, tu vas dire que personne ne peut baptiser un messager. Donc, voilà donc comment vous vous embrouillez au courant des siècles. Continuons avec tes enseignements là. C'est tout ça que les gens ne comprennent pas. Celui-ci est de l'autre côté, là-bas, il a son église, il a fait cette doctrine, ainsi de suite. Ce n'est pas cela. Maintenant, celui qui a la clé du royaume sur la terre, c'est lui qui établit un apôtre. Vous nous dites que c'est Pierre qui avait les clés du royaume. C'est Pierre qui avait notre établi. Mais en même temps, si vous nous parlez de Paul, que vous les connaissez, mais en ce temps, les deux existaient. Donc, est-ce qu'en ce temps, il y avait deux messages sur lui? Bonne question à lui poser par ces journalistes. Donc, ouais, effectivement, il dit les clés, c'est un homme qui doit avoir les clés sur la terre. Or, simultanément, nous voyons que l'apôtre Paul Pierre est présent sur la terre avec l'apôtre Pierre. Et le Seigneur Jésus a promis de donner la clé plutôt à l'apôtre Pierre. Il n'a pas dit que je vais te donner cette clé pour que tu passes à une autre personne. Ce n'est pas une clé de relais. Nous ne sommes pas dans un stade de course de relais où on passe les flambeaux à d'autres personnes de continuer la course pour donner à l'autre personne. Non. L'évangile circule automatiquement selon que Dieu a programmé, jusqu'à ce que les derniers appelés entrent. Maintenant, il dit, le journaliste lui pose une question claire. Vous dites que l'apôtre Pierre avait les clés. Et nous savons effectivement que l'apôtre Paul est le messager effectif de l'église choisi par Dieu. Dans ce cas, si c'est celui qui détient les clés qui est le messager, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas réservé la clé et donné à l'apôtre Pierre, mais a donné plutôt à l'apôtre Paul qui est l'apôtre des Juifs, alors que l'apôtre Paul a un ministère, on pourrait dire, international parce que son ministère allait dans tous les contrées et les confins du monde. Maintenant, suivez sa réponse. Quand vous lisez la Bible, lisez en famille aussi. Jésus-Christ a donné les clés à Pierre, Pierre a donné les clés à Paul. Vous avez entendu? Donc il dit que Jésus-Christ a donné la clé à Pierre. Qui a donné la clé à Paul? Je ne sais pas, entre les livres, ou bien entre dans son livre, Kakou, dans un autre verset, comme il est prophète messager, il a dit, Dieu a dû insérer ça, mais cette fois-ci, comme nous avons le papier blanc, On a dit écrit ça en blanc là-bas, on n'a pas pu voir. Où est-ce que c'est prévu que Dieu donne? J'ai posé la question, que Pierre, que c'est créé, que c'est clé était transmissible. Si c'est transmissible, c'est qu'en réalité, ça se trouve pas dans le cas de Philippe. C'est que les papes, depuis des années, ont raison. Parce que c'est entre eux qui se les passent. Parce que vous voyez, effectivement, les clés sont entre leurs mains là-bas. Et même le drapeau représente les clés avec le M là-bas de Marie. Donc, où est-ce que c'est prévu que ça doit passer de main à main? Où est-ce que c'est prévu que c'est... Oh, suivons les dérives là. Paul a repris Pierre et il va en bas. Et par la suite, on lui parle de Paul. Et c'est Paul. C'est par mandat en vertu de l'Église que Paul a écrit les apôtres et les épîtres. Et ainsi de suite. Donc vous voyez effectivement que Paul a même repris Paul quelque part là-bas. Et effectivement, c'est dans le livre des Galates. Ça n'a rien à voir avec les claves de l'autorisation qu'on a de voir. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons nulle part que l'apôtre Pierre. Enfin, allons dans le livre des Galates, lisons maintenant effectivement la façon que l'apôtre Paul met cet événement et par rapport à Pierre. Nous voyons effectivement que, parlant de la clé, nous avons lu dans Actes chapitre 15 comment l'apôtre Paul, Pierre va se lever au milieu des frères et va poser. Poser comment Dieu l'a choisi avec au milieu des frères afin que par sa bouche les païens entendissent l'évangile. Et nous souvenons que dans Actes chapitre 10, il est allé chez les païens, chez Corneille, il a prêché là-bas. Quand il est rentré à Jérusalem, les fidèles qui étaient là-bas lui ont posé des questions claires et il n'a pas dit que je suis le messager, je suis celui à qui a les clés, vous êtes qui pour me poser des questions. La Bible déclare qu'il leur a expliqué de manière suivie ce qui lui a été arrivé depuis qu'il était à Jérusalem jusqu'à ce que l'ange envoie des gens le chercher là-bas pour aller prêcher chez Corneille. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Donc, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, vous, le cacoïste? On dit que non, vous êtes qui pour parler à notre message? Vous êtes qui pour parler? L'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait, Actes chapitre 17 nous dit clairement qu'on examine pour voir ce qu'il disait, si ce qu'il disait était scripturaire. L'apôtre Pierre prêchait, les fidèles qui étaient là-bas examinaient pour voir si ce qu'il était là. Et l'une des preuves, c'est que même l'apôtre Pierre, Paul, a reproché, comme tu le dis, dans Galates, il a reproché l'apôtre Paul parce que l'apôtre Pierre parce qu'il se conduisait de manière hypocrite. Galates. Chapitre 2, lisons à partir du verset 1. Regardez très attentivement. La Bible déclare, au verset 17 d'abord du chapitre 1, il dit, « Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie. » Lorsqu'il a eu le ministère, lorsqu'il a reçu le Seigneur, lorsqu'il a reçu la vision de l'appel par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Puis je reviens encore à Damas. Verset 18, « 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais 15 jours chez lui. » Il dit pour aller faire la connaissance de Céphas. Il est allé et dit, « Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. » Maintenant, l'apôtre Pierre, Paul dit ici que après son ministère, il est allé en Arabie et c'est plus tôt, 3 ans plus tard qu'il est allé chez Céphas. Entre-temps, les 3 années-là, quand il prêchait, les gens n'étaient pas sauvés. Pendant qu'il est allé en Arabie, il marchait partout, on va les contrer là-bas. Quand il partait, est-ce que les gens ne les prêchaient pas? Et maintenant, nous allons voir effectivement, quand ils vont se réunir, ils vont expliquer effectivement comment Dieu a sauvé les gens au travers de lui, sans ces clés-là dont tu parles. Maintenant, verset 21 dit, « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu des visages aux églises des Judées qui sont en Christ. » Vous voyez, de l'église qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Donc, ouais, effectivement, ce que l'apôtre Paul annonce. Il annonce la foi qui voulait détruire, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle glorifiait Dieu à mon sujet. Verset chapitre 2, à partir du verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai monté. Donc, le Seigneur lui a demandé de monter à Jérusalem 14 ans plus tard. Donc, l'apôtre ne marchait pas par sentiment. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Vous avez vu, non? Donc, il a exposé, il a dit, ils se sont réunis, il leur a dit exactement ce qu'il prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, voilà pourquoi il est parti. Il n'est pas allé pour prendre la clé. Mais, continuons ici, allons-y rapidement. Au contraire, verset 7 là-bas, au contraire, voyant que l'évangile marque, regardez bien verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien fait j'ai bien eu soin de faire. Nous pouvons voir ça dans Romains chapitre 15, verset 25, Actes chapitre 11, verset 30 et 24, ainsi de suite, 1 Corinthiens 16, où il a parlé de toutes ces choses-là. Mais nous voyons effectivement ici que l'apôtre Paul n'est pas venu pour prendre une clé. Jésus n'a pas ordonné qu'il vienne prendre une clé quelque part. Ils sont en ce moment allés faire connaissance pour que ça ne soit pas du désordre dans le champ des missions, que chacun reconnaisse le champ, le territoire que Dieu lui a donné. Donc on a dit, la main d'association, ce n'est pas pour dire qu'il a tendu la main de donner une clé que symboliquement, il dit non, c'est clé, mais que désormais, ça entre tes mains. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question ici des disciples qui se réunissent pour confronter les doctrines qu'ils enseignent, pour reconnaître les grâces que le Seigneur a déposées en chacun, pour savoir distinctement le champ des missions de chacun. Et après cela, on s'embrasse en tant que frère, chacun va continuer dans le champ que le Seigneur Jésus leur a donné. Il n'est pas question d'échange des clés ici. Maintenant, verset 11, lorsque l'esprit tenait, mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. L'apôtre, voilà la personne à qui on a donné la clé. Répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte des circoncis, parce qu'il avait toujours le judaïsant en lui. Or, l'apôtre Pierre, lui, Paul, lui, l'avait compris. Lui, qui était même un enseignant, un chevronné dans le judaïsme, le voici, il avait compris la pleine révélation du mystère de Christ chez les païens et chez les juifs. Donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul n'est pas venu prendre une clé à Jérusalem. Dans le mystère de la dispensation des grâces de Dieu, il a choisi Pierre seul, choisi Paul seul, et les deux se complètent. Il n'est pas question d'un passage de clé d'une personne à l'autre. Jésus, Seigneur, Fils de Dieu très haut, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, c'est toi que nous invoquons, c'est toi la source qui nous abreuve, c'est toi que nous adorons, c'est toi qui es la source qui nous abreuve, c'est toi, tu es le roc, tu es la vie éternelle, c'est toi que nous invoquons. Quel magnifique cantique! Voilà, voilà, voilà, voilà. Après une ponctuation musicale, ces glorieux cantiques, ces merveilleux cantiques venant de la Kabylie, ceux qui sont de l'Afrique du Nord, nous disons merci pour ces frères et sœurs qui adorent avec nous le Seigneur dans ces contrées-là. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées encore une fois de plus. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui pour écouter et démanteler le réseau de ce faux prophète Kakou Philippe. Nous avons vu dans la partie comment il est en train de... une fois de plus, souvenez-vous, chacun de ces messages sera de bloquer et de détruire tous les principes et la base évidente de l'écriture pour asseoir son écriture et sa doctrine. C'est la même façon que nous allons voir donc maintenant dans le prochain clip. Nous allons suivre encore un autre extrait et suivre encore de ces déboires. Allons-y. Un Kwasi, un Zadi, le divin écrit son livre, et c'est même pas d'établir les scribes, vont laisser tomber le livre de prophète Kabou, et vont constater des Zadi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes des programmes? Vous savez, ce que vous venez de dire, c'est très dangereux. Parce que vous dites à mes fidèles de se focaliser dans la Bible. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est ce que Dieu a fait dans les temps passés. Vous connaissez la préhistoire. La préhistoire va de moins 3000 à 416 après Jésus-Christ. Donc la Bible s'inscrit dans la préhistoire. La Bible. Donc, vous entendez donc pourquoi c'est vraiment grave. Il dit que la Bible, vous savez ce que Dieu dit. Il a dit que c'est très grave ce que le journaliste est en train de dire parce que, en fait, il comprend là que le journaliste est en train de dire comme ça, c'est fidèle, n'est pas lu d'autres choses. Vous comprenez le pourquoi il se lève clairement contre la Bible. Allons-y dans le livre de Jean, l'Apocalypse de Jean. Jean chapitre 7. Apocalypse de Jean, chapitre 10. Apocalypse des gens, je ne sais pas pourquoi, je suis allé là-bas rapidement, là, comme ça. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Regardez. Apocalypse chapitre 10, je vais lire à partir du verset 1. Écoutez très attentivement. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Verset 5, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Écoutez très attentivement, verset 7. « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Par la suite, il dit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Verset 10, « J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Maintenant, verset 11 maintenant, c'est le verset 11 que je voulais amener ici. « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. » Donc, quand l'apôtre Jean a avalé ce livre-là, Il est question dans la suite de l'Apocalypse des prophéties qui va concerner les nations, les peuples, des langues et des rois. Et cet homme de Cacophilippe dit que le livre, c'est l'histoire de Dieu dans la préhistoire. Donc, on s'attendait donc que tout ce que les apôtres ont dit et les prophètes ont dit ici, ce soit déjà accompli maintenant et que peut-être la Bible est terminée et que Dieu vienne maintenant pour finir autre chose. Donc, maintenant, si c'est quelque chose dans le passé, la Bible nous déclare clairement, je lis encore au chapitre 20, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Est-ce que ceci est déjà accompli? Celui-ci dit que la Bible, c'est une histoire du passé. La Bible, est-ce que le verset s'y est déjà arrivé? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous voyons effectivement qu'il y a des événements encore. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse. Il y en a plein dans le Nouveau Testament, plein dans la Nouvelle Alliance, plein dans l'Ancien Testament. Par exemple, Gog et Magog, dont nous avons lu dans Zone de partie dans Ézéchiel chapitre 38, n'est pas encore accompli. Le troisième temple de Jérusalem, dont les explications sont données au chapitre 40 et suivant d'Ézéchiel, ne sont pas encore accomplies. La venue de l'Antéchrist, dont Deux Testaments parlent depuis, Esaïe en parle, les prophètes en ont parlé par rapport à cet impie qui va venir, personne, il ne s'est pas encore accompli. Mais celui-ci a dit que la Bible est un livre qu'il faut mettre de côté pour en suivre maintenant un oracle vivant, comme Joseph Smith également disait qu'il a besoin, il préfère un oracle qui est vivant en chair par rapport aux écritures qui sont écrites. Maintenant, suivons ces dérives. C'est parti de vestiges de la préhistoire. C'est de l'histoire, la Bible, c'est de l'histoire ancienne, malgré son côté et prophétique. C'est que vous voyez ce que Jérémie a fait. C'est comme nous sommes aujourd'hui en l'an 2015 et vous voulez résoudre les problèmes de l'an 2000 pour avoir votre bac. Non, Jésus-Christ doit vous avoir votre épreuve aujourd'hui parce que vous avez votre ministre de l'éducation nationale qui est différent du ministre en l'an 2000 là-bas et c'est différent. La Bible, c'est comme un rétroviseur dans la conduite d'une voiture. C'est, la Bible est un rétroviseur. Si vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez ce qui se passe derrière la voiture. Et vous n'allez pas faire 1 km que vous allez faire un accident. Nous allons plutôt regarder dans la Bible maintenant et voir maintenant que ce n'est pas seulement un rétroviseur, c'est un vitre pour regarder vers l'avant. Et nous allons regarder maintenant au travers du pas pris, on va voir effectivement qu'il y a un personnage qui se tient au devant de nous appelé Cacophilippe. Regardons dans ces pas pris là, dans Galates chapitre 1, le verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'esprit dont l'apôtre Paul dénonçait ici se trouve en Cacophilippe. Cet esprit-là qui veut renverser l'évangile de Christ. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Après, il va donner ce commandement solennel que quand bien même c'est un ange du ciel qui va venir annoncer un autre évangile que celui qu'ils ont annoncé, qu'ils ont prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, nous ne regardons pas seulement dans le rétroviseur, nous regardons dans toutes les directions avec la Bible. La Bible, c'est le seul miroir, c'est le seul prisme, et c'est le seul prisme à la forme de globe qui a 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension charnelle et la dimension instantanée. Cette dimension-là se reflète encore en cette autre 3 dimensions, 3 niveaux. C'est le futur, le passé et le présent. La Bible est d'actualité. La Bible proclame le passé. La Bible explique le futur. Donc, la Bible, il n'est pas question de la Bible seulement. Comme tu dis, malgré la dimension prophétique, pour essayer de d'embourber les gens. Ici, il est dit clairement que les gens comme toi viendraient pour essayer de renverser l'évangile de Christ. C'est ce qui est écrit. Donc, en regardant dans la vitre de la voiture, c'est toi qui vois devant. Qu'est-ce que tu en dis là maintenant? Aujourd'hui, on ne doit plus se référer à votre vie. C'est la parole de Dieu. Quand un prophète est en train de parler, c'est la parole de Dieu vivant qui est destinée à ce temps-là. Si vous voyez, quand Noé est en train de prêcher, ce que Enoch a dit auparavant là-bas, c'était pas la réalité, c'était ce que Noé disait, disant qu'un déluge va venir et que vous devez rentrer dans son âme. Dans ce cas, excusez-moi, pourquoi vous le dites? J'ai dit la Bible. Donc vous avez vu comment il s'embrouille encore une fois plus avec Noé et Énoré. Prenons 2 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire les versets, je vais lire à partir du verset 1, verset 9. Regardez bien. Verset 10, prenons verset 9, oui. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Verset 11. Vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Verset 12 maintenant, écoutez très attentivement. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaissez vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Donc l'apôtre Paul dit ici là que ils n'ont pas autre chose. Ce qu'ils écrivent dans la lettre là, c'est ce qu'ils prêchent. Il n'y a pas autre chose. Donc nul peut aller voir l'apôtre Paul en commençant à dire qu'autant comme autant de nous, si vous ne prenez pas, vous ne nous croyez pas, vous allez aller en enfer. Si vous ne croyez pas que je suis le messager de l'époque, si à moins que vous croyez ce que je vais faire, ce que vous allez en enfer. Ils annoncent une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible est un fondement. Jésus-Christ s'est révélé aussi à la Bible pour dire qu'il a été dit ceci, il a été dit cela, et Jésus-Christ pouvait prendre le rouleau de Isaïe pour dire, mais Jésus-Christ a lui aussi son message qu'il a prêché. Ok, c'est cela. Donc vous me dites, un livre William Branham utilisait en son nom. Oui, mais William Branham a son. Oui, William Branham utilisait King James. King James, c'est une version de la Bible. Oui, c'est ça. C'est un livre qu'il a écrit. Donc vous me dites, donc vous voyez effectivement que le prophète, une fois de plus, le faux prophète est démasqué et est pris en son propre piège. Lui, il reconnaît William Branham comme un prophète, comme le messager qui est venu avant lui. Et il reconnaît l'authenticité des miracles qu'il a accomplis. Ici, le journaliste pose la question claire. Est-ce que, puisque chaque prophète est censé venir avec son livre, et je m'en vais poser la même question sur Colomba, sur Saint-Martin, sur Irénée et autres. Est-ce qu'ils ont écrit leur Bible ou bien leur enseignement en tant que messager? Est-ce qu'ils ont érigé leur message au-dessus de la Bible ou bien à l'égalité de la Bible? Est-ce que quelque part Martin Luther, Martin et Colomba ont dit clairement que leur message doit être mis au niveau de la Bible? Est-ce qu'ils ont dit cela? Alors le journaliste pose la question, est-ce que William Branham a écrit un livre? Il a dit que oui, il utilisait King James. Et d'une part, en répondant même sans comprendre, il répond quelque chose comme ça qui va en contradiction avec ses propres messages. Puisque d'après ses propres messages, il est question qu'on brûle la Bible. King James, d'après lui, est le canari des fétiches. Et le prophète authentique, authentifié par Dieu, a utilisé, d'après ce qu'il a dit là, a utilisé King James, et Dieu a effectivement confirmé que c'était effectivement sa Bible, puisqu'il lisait la parole là-bas, et Dieu s'est manifesté. Maintenant, il est venu dire qu'on brûle King James, qu'on brûle Louis II, qu'on brûle telle ou telle chose, maintenant que c'est devenu le canal fétiche, que c'est le filet des diables, que c'est le démon qui est en Louis II qui était en cela. Donc, il confirme par là que William Marron Branham avait aussi le démon de King James, parce que Dieu ne peut pas utiliser King James parce que c'était des groupes de théologiens qui l'ont fait. Écoutons-le s'embrouiller. Vous m'avez demandé, c'est un Bible de l'Église. Maintenant, puisque vous dites qu'en votre temps, vous avez pas pour lire le livre de c'est ce livre là qui est le guide. Mais je veux savoir quel était le guide de William Branham. Mais William Branham a fait son livre. William Branham a un message pour vous, c'est pas les brochures de William Branham. Les brochures, mais pas les livres. Mais les brochures, c'est quoi? C'est que quand vous ouvrez le livre du prophète Philippe, c'est les prédications rassemblées. C'est les prédications rassemblées. Ok, est-ce que aussi John Wesley avait aussi son livre? Mais bien sûr, John Wesley a prêché la sanctification et il a redéfini la sanctification à son temps. C'est Dieu, Jean Calvin a prêché la double destination, il a défini cela. Et vous vous rappelez que Martin Luther avait 95 thèses. Martin Luther avait 95 thèses, il a même collé le 31 octobre là-bas sur la porte d'une église là-bas en Allemagne. C'est cela. Et 3 types de prophètes. Il y a celui qui a le don de Donc, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, vous voyez effectivement qu'il s'embrouille et il sait effectivement que ces questions-là sont des questions pièges pour lui. Il commence à parler des 95 thèses dont Martin Luther a fait. Est-ce que ces 95 thèses dont les reproches que Martin Luther faisait à l'Église catholique pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir pousser l'Église à se réveiller, est-ce que ces thèses-là sont au niveau de la Bible au point où on peut abandonner la Bible et commencer à suivre ces 95 thèses? C'est là la question. Est-ce que ce que Marion Branham a prêché et qui se trouve dans les brochures dont il parle, est-ce que ces brochures-là, est-ce qu'on doit mettre la Bible de côté et ne suivre que ce message-là? C'est la question. Là, il est question. Est-ce que Calvin, Zwingli et autres, là, tout ce qu'ils ont prêché comme la sanctification et les autres, est-ce qu'ils ont dit quelque part en écrivant que dans la prédication qu'on dépose la Bible et on suit seulement ça, déjà comme, Kakou Philippe en train de dire à ses disciples de ne lire que la Bible, est, comme lui-même l'a dit là, devrait se retrouver dans un musée comme le musée de Louvre, le musée de Paris ou bien de Londres. Donc nous voyons effectivement que cet homme-ci, c'est un fou dangereux qu'il faut suivre à la lettre, sinon on va amener les gens à la dérive. Et vous donc qui les suivez, sachez que votre âme est en danger. Ça, quelqu'un a un don de parole de connaissance, c'est les études de voir, j'étais vu ceci, on dit les prophètes. Des abus de langage. Et à part, c'est un don de prophétie. Mais à part le don de prophétie, il y a le ministère effectué, le ministère de prophètes. Vous voyez, la Bible dit que dans l'église, dans la church, il y avait des prophètes. Ça, c'est le deuxième. Et ensuite, il y a le prophète messager de Dieu lui-même envoie du ciel qui n'est pas visé par personne, qui n'est pas passé par personne et qui est parmi la sanctification du sang. Donc, il dit que, d'après ce qu'il est en train d'expliquer, il dit que dans Éphésiens, à chapitre 13, par exemple, nous voyons effectivement qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et nous parlons parmi lesquels on a cité l'apôtre Paul, Barnabas, ainsi de suite. Après, il dit qu'il y a ensuite dans le prophète messager qui n'est baptisé par personne et qui lui-même pas baptisé par personne. Maintenant, je m'avais lu la Bible. Je vais lire la Bible dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9 pour voir le premier messager. Le premier messager dont il est question dans Actes chapitre 9 à sa conversion. Actes chapitre 9. Qu'est-ce que ça dit? Actes chapitre 9. Dans, à partir du verset 17, la Bible déclare, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Donc le premier messager de l'église a été baptisé. Et celui-ci vient et dit aujourd'hui que le messager, l'apôtre messager, le prophète messager n'est pas baptisé lui-même par personne. Maintenant, on n'a jamais donné un titre particulier à Ananias. La Bible dit d'Ananias qu'il y avait seulement à partir du verset 10, là, le chapitre 9, le verset 10 dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Vous avez vu, n'est-ce pas? Comme vous dites que la parole de Dieu vient seulement au prophète, voici quelqu'un d'homme, celui-ci est un prophète, on dit un disciple. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici. Donc nous entendons d'après ces paroles que Ananias est un prophète. Alors maintenant, le voici qui va baptiser. Et on n'a même pas donné un titre. Dans ces paroles, si on voit que Ananias est un prophète, Ananias, le disciple Ananias, c'est un prophète. Le voici qui peut baptiser l'apôtre Paul. Nous voyons au verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. L'apôtre Paul a été baptisé par Ananias, le prophète. L'apôtre Paul, le premier messager, Kakou Philippe, a été baptisé par l'apôtre par Ananias. L'apôtre Pierre aussi, lui, était baptisé par Jean-Baptiste. Je m'en tiens à l'apôtre Paul parce que c'est lui l'apôtre messager. Le prophète Marion Branham dont tu parles comme étant le messager qui est venu avant toi a été baptisé lui aussi. Toi tu sors d'où? Toi tu sors d'où? Il te faut te repentir. Donc les amis de Kakou Philippe là, la Bible déclare que le premier messager de l'église a été baptisé. Le septième messager de l'église a été baptisé. Tous les messagers de l'église ont été baptisés. Toi tu sors d'où Kakou Philippe? Et tu dis ici là que personne ne peut, le prophète messager ne peut pas être baptisé par personne. Tu vois encore cela. Avec des prophètes, ça c'est le deuxième. Et ensuite, il y a le prophète messager de Dieu lui-même envoie du ciel qui n'est pas baptisé par personne, qui n'est pas passé par personne et qui est établi la sanctification en son temps. fait cela. Donc, vous voyez, il dit que le prophète message que Dieu lui envoie du ciel, comme si les autres dons ne venaient pas du ciel, le don de prophétie ne venait pas du ciel. Après, il dit que c'est celui-là donc, qui établit la sacrificature sur la terre. Il n'est pas consacré par personne, il n'est pas baptisé par personne. Nous voyons effectivement que c'est l'apôtre Paul, le disciple Ananias qui a imposé les mains à l'apôtre Paul afin que le Saint-Esprit vienne sur lui. Et par la suite, il a été baptisé. Ça, c'est de un. Nous voyons effectivement dans l'histoire de l'Église plusieurs autres messagers qui ont subi la même chose. Et il dit ici que c'est lui qui établit la sacrificature. Or, nous sommes dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 13, on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs qui étaient dans l'église d'Antioche. Il y a aussi parmi eux donc Barnabas, Siméon, Lucius, Cyrène, Mahanen et Niger. Donc ils étaient là. Qui les a établis? Comme c'est le prophète, comme tu dis, c'est le prophète messager qui est établi. Est-ce que c'est le prophète messager qui a établi les prophètes et les docteurs ici? Ou est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est le prophète messager qui a établi Agabus? Est-ce que c'est le prophète messager qui a établi Barnabas? Il faut faire attention, il te faut la repentance. Menteur. Excusez-moi, mais par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment mal, puisqu'il y a des contradictions dans vos vies. Vous dites qu'il y a le prophète messager qui est établi par personne, qui est baptisé par personne. Mais en même temps, vous accusez les dieux ouverts de ne pas avoir été établi par quelqu'un. Est-ce que c'est pas un peu. Donc, vous comprenez effectivement que ce n'est que la contradiction, il s'embrouille, il se débrouille à s'embrouiller. C'est pour cela qu'il peut effectivement se perdre comme ça et perdre les gens. Donc, par respect pour lui, le journaliste n'a pas voulu lui dire que tu es un menteur. Donc, nous disons ici que Kakou Philippe est un menteur. Non seulement il est menteur, la démence l'amène à mentir et s'embrouiller sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi il peut mentir. Il dit que un messager. Mais je m'en tiens à cette parole par laquelle nous avons fini la Bible. Il a dit un messager, un porte-parole, un messager, prophète messager est envoyé du ciel par Dieu. C'est lui qui établit la sacrificature. Ce n'est nulle part confirmé dans la Bible ainsi. Il n'y a pas un seul verset, il n'y a pas une seule trace dans la Bible ainsi. Ça, c'est un. De deux, il dit qu'il n'est pas baptisé par personne. Là, nous avons vu le cas du premier messager. Je m'en tiens là à ce que l'Écriture dit. Je m'en tiens là. L'apôtre Paul, qui est le premier messager, a été baptisé par Ananias, le disciple. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Je prie que les écailles tombent comme Ananias a imposé les mains sur l'apôtre Paul, sur le sol, et que les écailles sont tombées de ses yeux. Puisse le Saint-Esprit étendre sa propre main maintenant et toucher votre vue afin que les cas tombent de vos yeux, que vous voyez Jésus-Christ comme le Dieu ressuscité des morts qui vit toujours et qui est là maintenant, qui marche au milieu de l'église et qui prend son peuple, le peuple lequel a versé son sang à la croix. Puisse-t-il vous bénir. Retrouvons-nous dans la quatrième partie de ce message-ci. À bientôt. À bientôt. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Amen. Amen.